moi le parfum qui t'aide, la beauté de ton nom en mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Que je trouve à donner tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Ce torrent d'amour, au parfum qui nous rend fous. Alléluia. Bonheur qui livre nos âmes. Et comme toi, Seigneur. Adonai, reçois notre adoration. Maître de l'univers visible et invisible. Nous avons préparé. Redoutable Dieu qui vit éternellement. Reçois ce paradis. Et puissions nous te comparer au roi de gloire. Levez vers toi, Seigneur, pour contempler ta gloire et ta magnificence. Adorer, t'adorer, t'adorer.